catholique, qui tient ton passement étouffé. J'arrive pas à rentrer chez moi. J'arrive pas à rentrer chez moi. Y'a rien qui sonne, que murmure assourdissant le fruit d'un crissement dedans. J'arrive pas à rentrer chez moi. J'arrive pas. La voix d'une femme artificielle, c'est tout ce que j'entends, c'est tout ce que j'entends. J'arrive pas à rentrer chez moi. Ce frisson, ce bruissement intérieur qui me met de mauvaise humeur.